Au sport. Dans la Ligue de soccer cadet masculin Division 3, Louis Saint-Laurent est à la Poudrière de Drummondville pour deux matchs, le 14 mars. Les adversaires, La Ruche à 11h30 et La Frontalière à 14h. Dans la Ligue de soccer juvénile masculin Division 2, Louis Saint-Laurent rencontre l'école du Phare à l'école du Phare à 11h30.